Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce mardi 12 décembre. Les brumes, nuages, bas ou brouillards prédominent souvent en fin de nuit et leur dissipation est plus ou moins rapide ou laborieuse. Pour autant, vous ne découvrirez qu'un ciel assez encombré, toujours nuageux sans que le soleil puisse s'installer durablement. Le temps est sec et le vent très faible vient du secteur sud. Sous les valeurs minimales en recul, ce rafraîchissement abaissera les températures sous abri à parfois 1 ou 2 degrés dans l'intérieur, 7 à 8 degrés vers la mer pour ce matin. Cet après-midi, les nuages resteront majoritaires dans l'est de la Normandie, alors qu'en allant vers l'ouest, le ciel se promettra plus éclairci ou lumineux. La Manche bénéficiera du meilleur ensoleillement avant qu'elle soit la première à voir son horizon se voiler, puis se charger à nouveau dans la perspective d'un prochain front qui abordera la Normandie en provoquant des pluies dans la nuit de mardi à mercredi. Les températures maximales en ce mardi après-midi accuseront elles aussi un repli, 7 à 11 degrés. Et puis c'est l'hiver qui frappe à notre porte. Après de longues journées passées sous la pluie, les nuages gris et les températures à plus de 10 degrés, l'hiver semble enfin arriver en Normandie. Jeudi à partir de 19h, de la neige est attendue dans le Calvados, l'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime. Les températures oscilleront entre moins 1 et 2 degrés, pas plus. De la neige et de la pluie sont également attendues au programme de vendredi. La météo peut cependant encore bouger d'ici jeudi, mais il n'y a aucun doute, une vague de froid arrive sur la Normandie. Alors un petit conseil pour bien démarrer cette semaine, protégez-vous quand vous irez dehors. Après un quatrième samedi de mobilisation des Gilets jaunes en Normandie, comme le reste de la France, ces derniers attendaient de pied ferme l'allocution du président Emmanuel Macron ce lundi à 20h. Avant cela, les Gilets jaunes poursuivaient leur mouvement en Seine-Maritime, où le mouvement est selon la préfecture en décroissance. À Rouen, les Gilets jaunes étaient toujours présents au niveau du rond-point de la Motte hier. Le rond-point du Zénith à Grand-Quevilly était toujours jaune. Les Gilets jaunes tenaient également toujours un barrage filtrant au niveau du rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray. Dès 9h ce lundi, une quarantaine de Gilets jaunes bloquaient les accès à la préfecture de l'Eure, venus d'Évreux, de Conchanouche, Verneuil, d'Avre et Diton, Saint-André-de-l'Eure et Louviers. Nous faisons un blocage total de la préfecture. Nous laissons les personnes entrer au cas par cas en fonction des situations délicates. C'est ce qu'exposait le porte-parole du mouvement. Et puis l'examen du projet de réforme de la justice est actuellement en cours de discussion en première lecture à l'Assemblée nationale, qui a déjà voté plusieurs mesures, dont la fusion controversée des tribunaux d'instance et de grande instance au grand dam des oppositions. Dans l'Eure, les avocats du barreau de l'Eure avaient prévenu dès ce lundi et jusqu'à mercredi, la justice se met en grève. Hier matin, sur les marches du tribunal de grande instance d'Évreux, ils étaient donc une dizaine à distribuer un tract intitulé « Les avocats mobilisés pour défendre vos droits » aux automobilistes et passants, en expliquant que le gouvernement veut imposer une loi qui réduira les droits et limitera l'accès à un juge et que la fusion des tribunaux d'instance et de grande instance aboutira irrémédiablement à une désertification judiciaire. Maître Anita Mallet, bâtonnier de l'Eure, a expliqué que pour le moment les audiences, consultations et commissions de la matinée étaient reportées, mais les avocats faisaient barrage filtrant à l'entrée du TGI pour ne pas interdire l'accès à la justice. Du côté de la Seine-Maritime, une partie des avocats du barreau de Rouen manifestait également dès 8h ce lundi matin devant les grilles du palais de justice de Rouen contre ce projet de loi de réforme de la justice. En grève depuis mardi dernier, ils n'ont cessé de la reconduire. Depuis le début du mouvement, ils ont obtenu 3 renvois de procès d'assises. Et mercredi 12 décembre, les avocats normands ont donc décidé d'organiser une journée justice morte. Ils feront la grève de toutes les audiences et de toutes les permanences. Les avocats bas normands se rassembleront devant la préfecture à Caen à 11h. Au même moment, une manifestation est prévue devant la préfecture de région à Rouen. Nous nous donnons rendez-vous d'abord devant le palais de justice à 10h30 pour partir en cortège vers la préfecture. C'est ce qu'a précisé le bâtonnier de Rouen, Éric Dicon. Constanzo, les barreaux d'Évreux, de Dieppe ou encore du Havre sont également appelés à venir à se rassembler à Rouen. Et puis après les manifestations de lycéens organisées dans près de 300 établissements la semaine dernière, les élèves des lycées d'Évreux étaient appelés dimanche à manifester contre les réformes agressives du gouvernement et les baisses d'effectifs ainsi que du budget de l'éducation. Des appels à la mobilisation parfois assortis de mise en garde. Nous comptons sur le pacifisme des élèves pour bloquer les lycées. Casser ne nous permettra pas de nous faire entendre. Message reçu dès 7h30 ce lundi, plusieurs centaines de lycéens ont bloqué les 3 lycées de la ville avant de se retrouver devant les grilles d'Aristide Briand où le mouvement qui se voulait pacifiste a vite dérapé. Quant à un petit groupe d'une cinquantaine de casseurs s'est mis en première ligne pour brûler des poubelles et caillasser les forces de l'ordre. Cagoulé, visiblement là pour en découdre, le groupe s'est vite dispersé quand les forces de l'ordre sont intervenues. Alertés alors qu'ils manifestaient devant la préfecture de l'Eure, plusieurs gilets jaunes sont montés à Aristide Briand pour tenter de calmer les esprits. Finalement dissuadés de s'attaquer au commerce, les casseurs ont fait demi-tour en direction de la gare avant de s'évanouir dans la nature. Dans le même temps, un autre groupe a tenté de profiter de la confusion dans le centre pour aller sur la zone Carrefour où un magasin de sport a été en partie pillé. Très belle journée sur Cristal. La la première hit radio en Normandie. Le rappel des titres sur Cristal. François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo de ce mardi 12 décembre pour débuter. Les brumes, nuages bas ou brouillards prédominent souvent en fin de nuit et leur dissipation est plus ou moins rapide ou laborieuse. Pour autant, vous ne découvrirez qu'un ciel assez encombré, toujours nuageux, sans que le soleil puisse s'installer durablement en Normandie. Le temps est sec et le vent très faible vient du secteur sud sous des valeurs minimales en recul. Ce rafraîchissement abaisse les températures sous abri à parfois 1 ou 2 degrés dans l'intérieur, 7 à 8 degrés vers la mer pour ce matin. Et puis c'est l'hiver qui frappe à notre porte. Après de longues journées passées sous la pluie, les nuages gris et des températures à plus de 10 degrés, l'hiver semble enfin arriver en Normandie. Jeudi, dès 19h, de la neige est attendue notamment dans l'Eure et en Seine-Maritime. Après un quatrième samedi de mobilisation des Gilets jaunes en Normandie, comme dans le reste de la France, ces derniers attendaient de pied ferme l'allocution du président Emmanuel Macron ce lundi soir. Les Gilets jaunes ont poursuivi ce lundi leur mouvement en Seine-Maritime et dans l'Eure. L'examen du projet de réforme de la justice est actuellement en cours de discussion en première lecture à l'Assemblée nationale qui a déjà voté plusieurs mesures dont la fusion controversée des tribunaux d'instance et de grande instance aux grandes dames des oppositions. Les blocages des tribunaux avaient lieu encore ce lundi dans l'Eure, à Évreux notamment et à Rouen en Seine-Maritime. A noter que mercredi 12 décembre, les avocats normands ont décidé d'organiser une journée justice morte. Ce sera notamment à 10h30 devant la préfecture de région à Rouen. Le barreau d'Évreux est appelé à venir se rassembler. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Nous partons du côté de l'Eure, à la Unière, tout près de Vernon, avec Virginie. Bonjour. Oui, bonjour Aurélie. Virginie, c'est la personne dans un collège, infirmière scolaire, tu es. Oui, je travaille dans un collège et puis dans les écoles alentour. Donc tu es la personne qu'on va voir généralement quand on est élève, qu'on se sent pas très bien pendant un contrôle, qu'on a envie de le rater, du coup on va voir l'infirmière scolaire. Oui, ça arrive. Mais c'est pas l'essentiel des passages. En général, quand ils viennent, c'est qu'ils ont vraiment une bonne raison. Bon, tant mieux. Parce que moi, je l'avoue l'avoir fait déjà, en plein contrôle. Oh, je me sens pas bien. J'aimerais bien rater ce contrôle. Du coup, je vais aller voir l'infirmière scolaire. Alors, Virginie, tu as deux enfants. T'en as un grand qui a 18 ans. Oui. Et un plus petit qui a 9 ans et demi. Oui. 9 ans et demi. Voilà. Bon, 9 ans et demi, 18 ans, ça va, ça se bagarre pas trop à la maison? Non, bah en plus là le grand est parti pour ses études, donc le petit se retrouve tout seul. Oui, déjà, ça passe. Donc il est gâté de plein de gâteaux par maman ou pas? Alors mon grand mange des gâteaux et puis mon petit pas du tout. Ah c'est dommage parce que tu me disais que t'adorais faire des gâteaux tout à l'heure au téléphone. Oui. Bah, c'est dommage de pas pouvoir en faire profiter toute la famille quand même. Comment ça se fait qu'il aime pas les gâteaux? Ah non, il ne mange aucun bonbon et aucun gâteau. Ah bah tant mieux pour lui, hein. C'est tout à son honneur. Au moment, il évitera les caries, le diabète, plein de choses. Tant mieux pour lui. Virginie, il y a une Nintendo Switch à remporter. Je suppose que ce serait pour ton petit dernier. Ah bah ce serait génial, oui. C'est un super cadeau, hein. Alors, sois bien concentré, surtout ne sois pas stressé, d'accord. Tu n'as pas la réponse à une question, n'hésite pas à passer pour gagner du temps. D'accord. On y va? Ça marche. Ok, c'est parti. Je te souhaite bonne chance. Top. Merci. Donne-moi 5 ans près la date de sortie de cette chanson. Euh, 2005. Quel parcours est effectué en 80 jours dans le titre d'un roman de Jules Verne? Le tour du monde. De quel pays d'Europe proviennent 80% des vrais sapins de Noël vendus en France? La Suède. Qu'est-ce qui a atteint un peu plus de 69 millions d'euros de dons ce week-end? Le Téléthon. Quel est le prénom du chanteur dont le nom est Lavilliers? Bernard. Pour quoi a-t-on marché ce week-end aux quatre coins du monde? Pour la planète. Quel anglicisme désigne un passe-temps, une activité à laquelle on consacre ses loisirs? Hobby. Quel animal est Calimero? Un petit poussin. Quel mouvement associatif et caritatif a été lancé par l'abbé Pierre? Emmaüs. Donne-moi 3 ans près l'âge de Pascal Obispo. 55. 55 ans pour Obispo qui était d'ailleurs le parrain. Il est vieux, non? Et non, il est plus jeune. Donc il était le parrain du Téléthon cette année, Pascal Obispo. Alors tu penses qu'il a, du coup, tu m'as dit... Non, je l'ai vieilli, c'est affreux. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Alors si tu nous écoutes, Pascal Obispo, c'est Virginie de la Unière qui a dit que tu avais 55 ans alors que tu en as 53. Bon, ça va, tu l'as vieilli 2 ans, mais en tout cas, ça te fait une bonne réponse. Ah, super. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le prénom du chanteur dont le nom est Lavilliers, c'était bien Bernard. Et qu'est-ce qui a atteint plus de 69 millions d'euros de dons ce week-end? C'était d'ailleurs le Téléthon qui est en baisse donc par rapport à l'année dernière. Alors, Virginie, moi, je trouve que ça démarre pas mal cette semaine. Oui, je trouve aussi, en toute modestie. En toute modestie, je pense que tu as fait un joli petit score. On va voir ça juste après. Julien Doré avec Coco Caline, tu restes avec nous. À tout de suite, oui. Virginie. Super, merci. Jusqu'à 13h, on joue ensemble dans la pause déj cette semaine. Vous pouvez gagner tous les jours entre midi et 13h une Nintendo Switch. 02 32 23 53 96, c'est le numéro pour vous inscrire. Virginie de la Hunière, tout près de Vernon dans l'Eure. Oui. Tu es la première à passer cette semaine, tu es la première à ouvrir le score surtout. Oui. Alors quel est ton score qui, je pense, est plutôt pas mal, hein? J'espère, je croise les doigts. Alors, première question, je te demandais à 5 ans près la date de sortie de cette chanson. Est-ce que tu as reconnu le groupe ? C'est Gwen Stefani. Ouais, c'était Gwen Stefani, mais dans son groupe, l'ancien groupe No Doubt. Ah oui, No Doubt. Et ouais. C'est bien plus vieux que 2005. C'était en 1995. D'accord. Le parcours qui est effectué en 80 jours dans le titre d'un roman de Jules Verne, c'était Le Tour du Monde en 80 jours, bien joué. Alors, de quel pays d'Europe proviennent 80% des vrais sapins de Noël vendus en France? Tu as dit la Suède. Et non, c'est vrai qu'on est tenté par donner un pays du Nord, mais pas du tout, puisqu'en fait c'est la France, principalement la Normandie et la Bretagne, les premiers fournisseurs. Ah d'accord. Qu'est-ce qui a atteint plus de 69 millions d'euros de dons ce week-end? C'était le Téléthon. Pourquoi a-t-on marché ce week-end aux quatre coins du monde? Tu as dit la planète. Pour le climat, non? C'était le climat. Mais oui. On accepte. Oh, super. On est sympa, hein, franchement. Oui, merci. Quel anglicisme désigne un passe-temps, une activité à laquelle on consacre ses loisirs? C'était bien un hobby. Calimero, c'est un petit poussin. Le mouvement associatif et caritatif qui a été lancé par l'abbé Pierre, tu as dit Emmaüs, bonne réponse. Ouais. Alors, Virginie. Oui. Tu as fait 8 points. Oui, oh ben, je pense que c'est bien, c'est un bon score. En tout cas, je suis contente de moi. C'est un très joli score pour démarrer cette pause déj. Cette pause déj avec un très joli cadeau quand même au bout. Il y a une Nintendo Switch à remporter tous les midis. Alors, si les prochains candidats, il me semble que c'est une équipe qui va jouer en deuxième candidat. D'accord. S'ils ne font pas plus de 9 points... 8. 8, oui, bah 9. Vous avez entendu comment elle m'a grondé, Jocelyne? Est-ce que vous avez vu ça? Non, mais parce que vous pensez qu'elle est toute gentille quand vous l'avez au téléphone. Mais moi, je me fais gronder tous les midis. Hein. Non, il faut faire 9 points minimum pour battre donc Virginie de la Unière aujourd'hui, peut-être remporter sa Nintendo Switch. Si aucun ne te bat, c'est pour toi. Hein. D'accord, Virginie? Oh là là, oui, ce serait génial. Allez, tu croises les doigts et peut-être à tout à l'heure. Ça marche, merci beaucoup. 02 32 23 53 96 pour avoir peut-être la chance de pouvoir parler à Jocelyne, l'arbitre de la pause déj. Elle sera peut-être plus sympa avec vous pour vous inscrire à la pause déj et peut-être faire les 9 points pour gagner une Nintendo Switch ce midi. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to excuse that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything.

Et puis après les manifestations de lycéens organisées dans près de 300 établissements la semaine dernière, les élèves des lycées d'Évreux étaient appelés dimanche à manifester contre les réformes agressives du gouvernement et les baisses d'effectifs ainsi que du budget de l'éducation. Des appels à la mobilisation parfois assortis de mise en garde. Nous comptons sur le pacifisme des élèves pour bloquer les lycées. Casser ne nous permettra pas de nous faire entendre. Message reçu dès 7h30 ce lundi. Plusieurs centaines de lycéens ont bloqué les trois lycées de la ville avant de se retrouver devant les grilles d'Aristide Briand où le mouvement qui se voulait pacifiste a vite dérapé. Quant à un petit groupe d'une cinquantaine de casseurs s'est mis en première ligne pour brûler des poubelles et caillasser les forces de l'ordre. Cagoulé, visiblement là pour en découdre, le groupe s'est vite dispersé quand les forces de l'ordre sont intervenues. Alertés alors qu'ils manifestaient devant la préfecture de l'Eure, plusieurs gilets jaunes sont montés à Aristide Briand pour tenter de calmer les esprits. Finalement dissuadés de s'attaquer au commerce, les casseurs ont fait demi-tour en direction de la gare avant de s'évanouir dans la nature. Dans le même temps, un autre groupe a tenté de profiter de la confusion dans le centre pour aller sur la zone Carrefour où un magasin de sport a été en partie pillé. Très belle journée sur Cristal. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Avec une Nintendo Switch à remporter tous les jours de cette semaine dans la pause déj, 02 32 23 53 96 pour vous inscrire peut-être tout seul ou encore en équipe. Aujourd'hui, il faut battre Virginie, elle a mis la barre haut avec ses 8 points. Il faut donc en faire 9 pour l'équipe d'Olivier. Bonjour. Bonjour Marie. Tu habites du côté de Bourachard? Non, tu habites à Anneville, oui. Bourville. Par contre, tu travailles à l'hôpital de Bourachard. C'est ça. Tu es cuisinier, d'ailleurs tes collègues sont à côté de toi, ils vont peut-être t'aider ou non aujourd'hui. On va espérer qu'ils m'aident un peu. Tu me disais que ton chef, t'étais pas sûr qu'il t'aide. Hein. Ah mais ça j'ai dû hors antenne ça. Ça y est, je suis grillé. Bah voilà, et bah mince, je viens de dévoiler le secret. Bon, bonjour à ton chef. Donc du coup je suis au chômage, je travaille en cuisine. On va essayer de te trouver un poste ici chez Cristal du coup, pour s'excuser. Bon bah bisous à toute ton équipe aujourd'hui, j'espère qu'ils vont bien t'aider parce que t'as entendu la première candidate quand même. Oui. 8 points à faire, enfin 9 minimum hein, pour la battre aujourd'hui, pour une Nintendo Switch qui ira sûrement à tes enfants. Ou à moi, je ne vois pas pourquoi toujours les enfants. Oui, c'est vrai. Non, des fois, il faut penser un peu à soi, si t'as raison. Bon, ils ont quand même 13 et 10 ans, je pense qu'ils vont te la piquer. Hein. Oui, non, mais il va falloir que je les initie aux jeux vidéo. Ah, parce qu'ils jouent pas aux jeux vidéo, tes enfants? Ah ben, c'est deux filles. Ah oui, d'accord. Donc, elles sont pas aussi calées que moi, donc voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Cela n'empêche pas de jouer à la console, même quand on est une fille. Moi, j'avais 8 ans, j'avais déjà ma PlayStation. Je passais quelques temps dessus quand même. Mais oui, elles vont adorer hein, la Nintendo Switch. Oui. Et surtout qu'on peut jouer à Mario et tout ça, les grands classiques. Je pense qu'elles vont adorer. En attendant, il faut que tu fasses quand même tes 9 points aujourd'hui. Oui. 500 euros à gagner aussi si tu fais 10 bonnes réponses consécutives. Olivier, je te souhaite bonne chance. On va partir pour la minute de questions. Es-tu prêt? Je suis prêt. On y va, 3, 2, 1. Donne-moi 5 ans près la date de sortie de cette chanson. 99. Dans un stade de foot, comment s'appelle la personne chargée d'annoncer le score au public? Le speaker. Sa parole est très attendue, il devrait la prendre ce soir, de qui s'agit-il? Qu'est-ce qui est croustillante dans un poulet rôti? La peau. Comment s'appellent les habitants de la ville de Strasbourg? Les Strasbourgeois. Donne-moi 3 ans près l'âge d'Edouard Philippe. 47. Cite une commune normande commençant par un V comme Victor. Vaudeville-la-Rue. À quoi s'intéresse l'ornithologie? Les oiseaux. Qui était le leader du groupe Queen? Freddie Mercury. Comment s'appelle le schtroumpf qui offre toujours des cadeaux explosifs? Le schtroumpf porteur. Quel est mon âge si je suis né en 1997? 21 ans. 452 x 2 égale 904. Et quel est mon âge si je suis née en 85? Ouais, bah tiens, un peu près, dans ces eaux-là. Donc, on n'a pas entendu ta dernière réponse, t'as été un petit peu pris. C'est que déjà, ça a sonné, donc je ne l'avais pas. Et puis même 85, ça nous fait 7, ça nous fait 40 ans? Non, 33, 85. Ah oui, 33 ans. Ouais. Ah oui, pardon, oui, bah, comme quoi, en plus. Et il a fallu que je reprenne ma respiration, mais dis donc, quelle rapidité. Bah alors, c'est des journées comme ça où ça va bien. Ouais, j'espère que c'est pas... Jouer avec toi, il y a des fois ça va beaucoup moins bien. Et aujourd'hui, je sais pas. Eh ben, bien. J'ai envie de te dire waouh quand même, hein. Quelle prestation aujourd'hui. Tu peux être fier de toi. J'avais même pas terminé les questions que tu répondais déjà. Ah bon? Ah oui. Ah quasiment, ouais. Alors, aujourd'hui, je t'en ai posé 12, alors tu peux prétendre à tes 10 bonnes réponses consécutives, il me semble que tu as même pas passé. Alors, on va voir ton score dans un instant, faut que je regarde tout ça avec Jocelyne, mon arbitre. En attendant, voici Charlie Booth avec Attention, à tout de suite. You've been running around, running around, running around, throwing that dirt. Cause you knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one. De la pause d'âge, il est midi 29 aujourd'hui. Virginie est passée la première avec ses 8 points. Olivier a tenté de la battre du côté de Bourrachard. Olivier, qui était normalement avec ses collègues, qu'on n'a pas du tout entendu, donc on peut dire que tu as joué tout seul aujourd'hui. Non, mais ils ont essayé de m'aider, mais c'est vrai que j'ai répondu assez rapidement, donc ils avaient du mal. Je t'avoue que je n'ai jamais eu quelqu'un qui répondait aussi vite à mes questions. Hein. Non, mais ça, c'est parce qu'on est fonctionnaire, on ne fout rien de la journée, puis avec qui on est en pleine forme. Ah, si c'est toi qui le dis. Bah écoute. Je préfère que ça vienne de toi. Alors, Olivier, donne-moi 5 ans près la date de sortie de cette chanson. Oh, Angela, Angela. Tu as dit 1999. Oui. Non, tu l'as vieillie cette chanson, puisqu'elle était sortie en 2010. Oh, c'est la seule où j'étais pas sûr. Dans un stade de foot, comment s'appelle la personne chargée d'annoncer le score au public? C'était bien le speaker. Sa parole est très attendue. C'est celle de Manu. Ouh, s'il m'entendait, je me ferais gronder, dis donc. C'est donc sa parole ce soir, il devrait la prendre. C'est Emmanuel Macron, bonne réponse. Elle est croustillante dans un poulet rôti. C'était bien la peau pour un cuisinier. Heureusement, tu as répondu. Comment s'appellent les habitants de la ville de Strasbourg, les Strasbourgeois? Je te demandais à 3 ans près l'âge d'Edouard Philippe. Tu as dit 47 ans, il a 48 ans, bien joué. Je te demandais aussi une ville, une commune normande qui commence par un V comme Victor. Il y en avait plein, il y avait Vire, il y avait Viron-Vray dans l'Eure, il y avait aussi Villers-Écalle en Seine-Maritime. Toi, tu nous as sorti Vadeville-la-Rue. Ouais, c'est en Seine-Maritime, on a bien été vérifié. Donc ça te fait aussi une bonne réponse. À quoi s'intéresse l'ornithologie? Tu as dit les oiseaux. Qui était le leader de Queen? C'était bien Freddie Mercury. Toujours à l'honneur d'ailleurs dans les salles en ce moment avec le film Bohemian Rhapsody que je vous conseille fortement d'aller voir d'ailleurs. Comment s'appelle le Schtroumpf qui offre toujours des cadeaux explosifs? Le Schtroumpf farceur, en effet. Mon âge, si je suis né en 97, tu as dit 21 ans, bien joué. Et je te demandais aussi le calcul, 452 x 2 égale 904, c'est ce que tu as dit, c'était une bonne réponse. Je sens qu'il y en a un qui va pouvoir gâter ses enfants cette année, ouais, à Noël. Bien joué, tu as gagné 500 euros aujourd'hui. Olivier, tu n'as pas fait 10 bonnes réponses d'affilée aujourd'hui, tu en as fait 11. Oh là là, je suis content, mais alors... Tu peux pas savoir. Hein. Alors, attends. Pardon, vous pouvez pas savoir. Alors, j'imagine que tu dois être très ému en ce moment. Ouais. 500 euros et peut-être aussi la Nintendo Switch, si personne ne te bat tout à l'heure. Oui. Donc oui. Là, ça te fait deux gros cadeaux hein, pour le moment, ce ça midi. Serait, pour mes enfants, ça serait, ouais. Rien qu'en jouant à la pause déj. Dis-moi très rapidement, avec 500 euros, là, à quoi tu penses tout de suite? Alors, je vais être franc, il y a dans un an, je fais un voyage à New York. Et je pense que les 500 euros vont me servir à faire le survol en hélicoptère de Manhattan. Ah ouais, là, c'est un très joli cadeau. Donc, que tu t'offres. Hein. C'est ça. Oh, et bah, Olivier, ça me fait plaisir. 500 euros qu'on va t'envoyer directement à la maison juste avant les fêtes de fin d'année aussi. Ça peut bien dépanner et tout ouais, ça. Olivier, c'était tout mérité. 11 bonnes réponses d'affilée. Bravo, vraiment encore bravo. Merci. On pense bien sûr à Virginie qui avait quand même démarré cette pause déj avec un excellent score de 8 bonnes réponses. On te fait des bisous, mais t'as été battue haut la main aujourd'hui, hein, Virginie, par Olivier. Peut-être à tout à l'heure, hein, d'accord? D'accord. Bah, bonne chance au prochain quand même. Hein. Ouais, je te laisse dire à toute ta famille quand même que tu viens de gagner 500 euros grâce à Cristal. Merci bien, bonne journée. Et oui, il vous faudra de la chance hein, ce midi pour battre Olivier. Il va falloir faire 12 points minimum pour le battre. 02 32 23 53 96 si vous voulez tenter votre chance. Si vous vous pensez plus fort qu'Olivier qui vient de gagner quand même 500 euros puisqu'il a fait 11 bonnes réponses d'affilée, ça peut tomber également sur vous. 02 32 23 53 96. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo de ce mardi 12 décembre pour débuter. Les brumes, nuages bas ou brouillards prédominent souvent en fin de nuit et leur dissipation est plus ou moins rapide ou laborieuse. Pour autant, vous ne découvrirez qu'un ciel assez encombré, toujours nuageux, sans que le soleil puisse s'installer durablement en Normandie. Le temps est sec et le vent très faible vient du secteur sud sous des valeurs minimales en recul. Ce rafraîchissement abaisse les températures sous abri à parfois 1 ou 2 degrés dans l'intérieur, 7 à 8 degrés vers la mer pour ce matin. Et puis c'est l'hiver qui frappe à notre porte. Après de longues journées passées sous la pluie, les nuages gris et des températures à plus de 10 degrés, l'hiver semble enfin arriver en Normandie. Jeudi, dès 19h, de la neige est attendue notamment dans l'Eure et en Seine-Maritime. Après un quatrième samedi de mobilisation des Gilets jaunes en Normandie, comme dans le reste de la France, ces derniers attendaient de pied ferme l'allocution du président Emmanuel Macron ce lundi soir. Les Gilets jaunes ont poursuivi ce lundi leur mouvement en Seine-Maritime et dans l'Eure. L'examen du projet de réforme de la justice est actuellement en cours de discussion en première lecture à l'Assemblée nationale qui a déjà voté plusieurs mesures dont la fusion controversée des tribunaux d'instance et de grande instance aux grandes dames des oppositions. Les blocages des tribunaux avaient lieu encore ce lundi dans l'Eure, à Évreux notamment et à Rouen en Seine-Maritime. À noter que mercredi 12 décembre, les avocats normands ont décidé d'organiser une journée justice morte. Ce sera notamment à 10h30 devant la préfecture de région à Rouen. Le barreau d'Évreux est appelé à venir se rassembler. Cristal, la première hit radio en Normandie. On perd la mesure du temps. On attend, on s'y bat maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus fort, m'arrêter un instant. Enlever le gris des couleurs, des sentiments. Envie de parcourir la terre, à l'endroit puis à l'envers. Toucher du bout des doigts nos rêves tant qu'on peut le faire. Si on rêvait plus fort. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. 11 bonnes réponses, c'est le score qu'il faut battre aujourd'hui dans la pause déj. Et ça ne fait pas peur à Gisèle du côté de If dans le Calvados. Bonjour Gisèle. Bonjour. Bon, je dis que bonjour. Ça ne fait pas peur, mais quand même un petit peu. Oui, un petit peu parce que j'aimerais bien gagner, mais enfin bon, j'en mourrais pas. Mais enfin, bah, j'espère quand même. Ce serait triste pour la pause déj d'avoir un meurtre comme ça. Gisèle, du coup, il faut faire 12 points aujourd'hui, hein. Oui, j'ai vu, c'est haut quand même. Il a été brillant. Il a été super brillant, très rapide. 12 points, c'est arrivé une fois dans la pause déj. On a même été jusqu'à 13, comme quoi c'est réalisable en une minute. Alors, j'ai toujours jamais 3, alors on sait jamais quoi. Alors je te le souhaite en tout cas ce midi. Oui. On pense à ta fille qui s'appelle comment déjà? C'est Annie. Alors tu peux répéter? Théanie, c'est un prénom d'origine polynésienne. Elle est d'origine polynésienne. D'accord, ça veut dire quelque chose ou Oui, ça veut dire celle qui est aimée. Ah, oh, c'est joli. Ouais, au moins, elle est sûre de ne pas avoir le même prénom dans sa classe. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Du coup, elle a un petit surnom ou pas? On l'appelle Tété peut-être? je vais lancer ça. Oh la peau, elle va me détester. Voilà. Bon, tu m'as dit qu'elle avait 11 ans, c'est ça? Non, 13 ans. Donc elle a une liste au Père Noël qui est assez grande, hein, tu m'as dit, avec beaucoup de chiffres juste derrière au total. Oui, si j'avais les sous pour ça, du rodin au moins pour presque 1000 euros. Hein. Oh là là, bah dis donc. Bon, j'espère qu'une nouvelle. Certaines marques de fringues, de chaussures, des jeux, des consoles, je sais pas combien. C'est une ado, hein, c'est pour ça, Gisèle. Voilà. Alors, je te souhaite bonne chance pour ce midi. Nintendo Switch sera au moins, ça au moins sur la liste du Père Noël aujourd'hui. On y va, Gisèle? On y va. C'est parti, une minute de questions. 3, 2, 1. Donne-moi 5 ans près la date de sortie de cette chanson. Et 88. Pour Noël, qu'est-ce qui est le plus répandu chez les Français, le sapin naturel ou le sapin artificiel? Sapin naturel. Qu'est-ce qui peut être majuscule ou minuscule dans un mot? Les consonnes. Selon les régions, il peut être... Les lettres, oui. Selon les régions, il peut être de bois ou à papier. De quoi s'agit-il? Crayon. Dans Tintin et le secret de la licorne, qu'est-ce que la licorne? Un bateau. Il compte jusqu'à combien Ricky Martin dans sa chanson Maria? 3, une, deux, 13. Dans le célèbre dessin animé, de quelle couleur sont les Simpsons? Jaune. Quel est le prénom de l'actrice dont le nom est Bouchèze? Bouchèze? Oui. Cathy. Selon l'adage, de quoi écope-t-on lorsqu'on brise un miroir? De cet homme malheur. Fin du questionnaire, le gong a retenti. Gisèle. Ouais. Ouh. Je crois que j'ai fait quelques erreurs, mais bon, on verra. J'ai adoré ton de fin de questionnaire. Oui. Oh, c'est passé. C'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Oui, oui, oui. Alors, tu penses avoir fait quelques erreurs sur lesquelles, surtout? Quelles questions? Bouchèze, le prénom. Ouais, tu connaissais pas. C'était Élodie Bouchèze. Oui. Ah, oh, purée, oui. L'actrice. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, pour Noël, qu'est-ce qui est le plus répandu chez les Français, le sapin naturel ou le sapin artificiel? C'était non pas le naturel, c'était le sapin artificiel. Le naturel ne représente que 20% des ventes en France. T'as quoi chez toi, toi, sapin artificiel ou naturel. Naturel. Bon, c'est bien le naturel, ça sent bon et tout ça. Malheureusement, c'est les épines, quoi. On a l'impression de passer l'aspirateur pendant. Donc, si on prend un Norman, ça va, quoi. Oui, c'est vrai. Ça dure plusieurs années, mais c'est moins joli, c'est vrai. Alors, je te demandais à 5 ans près la date de sortie de cette chanson. C'était sorti en 1989, tu as dit 1988. Ça te fait une bonne réponse. Oh, super. Qu'est-ce qui peut être majuscule ou minuscule dans un mot? C'était la lettre. Tu t'es bien rattrapé, hein? Oui, oui. Alors, dans Tintin et le secret de la licorne, qu'est-ce que la licorne? Tu as dit un bateau et c'est une bonne réponse aussi. Alors, il compte jusqu'à combien Ricky et Martin dans sa chanson Maria? Maria, il chante, il dit trois fois, oui, un, deux, trois, je dis n'importe quoi, là. Ouais. Il dit bien une dose laisse. Hein. Les Simpsons sont de la couleur jaune, bonne réponse. C'est un grand débat qu'on a souvent d'ailleurs au sein de l'équipe de Cristal. Moi, je dis crayon de bois. Les autres disent crayon à papier. Donc, c'était une bonne réponse, c'était bien le crayon. Tu dis quoi, toi? Le crayon de bois ou le crayon à papier? Crayon de à papier. Oui. Papier. Oui, c'est ce qu'on dit généralement ici en Normandie, apparemment. Alors, selon l'adage de quoi écope-t-on lorsqu'on brise un miroir de 7 ans de malheur? Bonne réponse aussi. Et selon le proverbe, par quoi commence la charité bien ordonnée? Tu as dit soi-même. Alors, aujourd'hui, Gisèle, tu l'as compris. Ce n'est pas suffisant pour battre l'excellent score d'Olivier, mais tu as fait 7 points, c'est déjà très honorable. Oui, donc, il fallait 11 points, quoi, au moins. Il fallait 12 points, au moins, ouais. Il te fallait 5 bonnes réponses en plus. Ça sera pour une autre fois, c'est pas grave. Mais oui. Oh, tu m'as l'air toute déçue, Gisèle, mais tu repasseras sur l'antenne, ne t'inquiète pas, hein. Non, ça va quand même. Je compte sur toi. Non, je me remettrai. C'est par rapport à ma minette qui écoute la radio, quoi. Mais c'est pas grave. Et bah d'ailleurs, on lui fait un gros bisou et n'hésite pas à jouer à la pause déj enfant, c'est le mercredi. S'ils ont entre 8 et 14 ans, vos enfants peuvent jouer à la pause déj. 02 32 23 53 96. On a conçu un questionnaire spécialement pour eux. Gisèle, je te souhaite une belle journée, d'accord? Merci beaucoup. Et puis on félicite ce grand gagnant de cette journée avec ses 500 euros et sa Nintendo Switch. Bravo, Olivier de Bourrachard. Merci, au revoir. Au revoir Gisèle, Olivier. Oui. Bravo, encore une fois, 500 euros pour toi aujourd'hui, plus une Nintendo Switch. Bah ça va, bonne journée. Eh, tu commences bien la semaine, toi. Carrément. Ah bon, moi-même. Ça va même faire le mois, ça. Je suis super contente pour toi. Tu penseras à nous quand tu vas voyager au-dessus de Manhattan en hélicoptère, j'espère. C'est quoi, j'envoie une photo? Merci. Sur le Facebook. Je te fais gros bisous, Olivier. Merci. Profites-en bien. Parle-en bien sûr autour de toi. C'est sur Facebook que ça se passe. Tous les midis, tu es le deuxième gagnant de cette saison de la pause déj, cette deuxième saison. Bravo. Ok, merci. Merci, je te souhaite une très belle journée qui va être sûrement très jolie, hein, d'ailleurs. 02 32 23 53 96 pour faire comme Olivier. Aujourd'hui, il a gagné 500 euros plus une Nintendo Switch. Ça peut vous arriver ici tous les jours dans la pause déj, donc surtout n'hésitez pas à jouer au 02 32 23 53 96. La nuit. La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. That I

most? Can you wear it on your sleeve? Ça pique déjà ce matin et c'est pas fini puisqu'on annonce une grande vague de froid à partir d'aujourd'hui avec de la neige jeudi dans l'heure. On prévoit aussi de passer en dessous de la barre des 10 degrés. Voilà, une bonne semaine de décembre, comme on les aime. Couvrez-vous bien et préparez les raclettes à pare-brise, hein, surtout si vous prenez la voiture tôt ce matin. La météo, on y revient avec l'actu dans un instant. Sinon, côté hit, on s'écoutera aussi le DJ Avicii. Mais d'abord, je vous propose votre horoscope. C'est avec qui ? Avec Alexandra, bien sûr. Bonjour Alex. Bonjour à tous, très belle journée ce mardi 11 décembre. Les béliers, vous n'êtes plus sous contrôle, vous décidez décidez de faire ce qu'il vous plaît. Taureau, vous prendrez la vie du bon côté. Vous n'aurez pas besoin de pratiquer la pensée positive. Elle sera naturelle. Moins autoritaire, les Gémeaux, plus souples. Vos dialogues avec l'autre seront empreints de fraîcheur. Cancer, vous souhaiterez mettre sur pied des projets ambitieux. Rapprochez-vous des bonnes personnes. Lion, Vénus vous fournira un puissant pouvoir de séduction qui ne laissera personne indifférent. Ouf, les Vierges, vous ne ressentirez plus le besoin de tout diriger pour vous sentir épanoui. Balance, vous serez là pour remonter le moral de votre moitié et lui faire relever le menton. Scorpion, si vous êtes à la recherche d'une maison ou d'un appartement, profitez bien de cette journée car vous aurez le sens de la négociation. Sagittaire, en couple, vous avez du mal à supporter les petites disputes. Essayez de ne pas vous braquer. Capricorne, vous serez doté d'un charme irrésistible. Au travail aujourd'hui, on ne pourra rien vous reprocher. Verseau, quand votre maison devient un champ de bataille, vous perdez votre patience, vous ne supportez pas le désordre. Et les poissons, que vous soyez en couple ou célibataire, vous sentez que cette journée est faite pour vous, et c'est le cas. Excellente journée à tous.